sais pourquoi Céline allait au bûcher de Tiercelieu. Mais quand un loup lui a pris un baiser, elle a frissonné, elle était chipée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux. Car l'on croit toujours ce que dit Cupidon, parce que ce sont les règles du jeu. Céline l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Tiercelieu. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son rôle. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux. Car l'on croit toujours ce que dit Cupidon, parce que ce sont les règles du jeu. Céline l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Tiercelieu. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Mais à Tiercelieu comme ailleurs, un loup-garou n'est qu'un loup-garou. Elle était folle de croire au bonheur et de le changer en villageois. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux. Car l'on croit toujours ce que dit Cupidon, parce que ce sont les règles du jeu. Céline l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Tiercelieu. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Il passe au bûcher, elle le suit, n'en parlons plus.